lequel règle les conditions modernes de production, annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un groupe commun, l'unité de cette vie ne peut plus être faite. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale, montant tout ce monde à part. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme un verre.